Section 85 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Lecture, tome 7e. Section 85. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 11. Le Congo. Hostilité des riverains. Les cannibales. De la viande. Maladie et mort. Départ de Tipotipe et de ses gens. Toujours la guerre. Les cataractes. C'est à ce moment-là que, le 19 novembre, Stanley atteignit le fleuve Superbe, que, dans sa reconnaissance pour le vieil explorateur anglais, dont il complétait la tâche, il appela d'abord le Livingstone. Les géographes n'ont toutefois pas ratifié cette décision, et la grande artère africaine est aujourd'hui désignée sur toute sa ligne sous le nom de Congo. En cet endroit, sur les deux rives, se profilait la ligne obscure d'une forêt semblable à celle que l'on traversait sans fin ni cesse depuis Niangoué. Aussi, le découragement allait-il croissant dans la caravane. On ne sortirait donc jamais de ces terribles Mitamba ? Quant à Stanley, il ignorait encore l'importance de la voie fluviale devant laquelle il se trouvait. Vers où coulait-elle? Et s'il s'abandonnait à son cours, dans quel pays allait-elle le mener? Peut-être, après un brusque coude, le verra-t-il retourner en arrière, vers le pays de Roumanica? Alors, adieu son rêve, son espoir de traverser le mystérieux continent en découvrant le sillon magistral qu'il pressentait. Mais sa bonne étoile veillait sur lui. Il sentit qu'il se trouvait sur le vrai chemin, devant la solution de l'important problème, et faisant battre le tambour, il appela tout son monde et les Arabes qui l'accompagnaient. « Amis, leur dit-il, vous avez atrocement souffert durant ces longues marches à travers d'interminables forêts. Bien souvent, vous avez demandé au ciel de vous mener sur une route où le voyage fut plus facile. Moi-même, je cherchais un sentier pour me conduire à la mer. Eh bien, nous voici exaucés. Regardez ce grand fleuve. » Depuis le commencement du monde, il coule ainsi dans le silence et dans l'ombre. Jamais il n'a été descendu par aucun de mes frères, et pourtant il mène à la mer que sillonnent les grands vaisseaux, et dont vos amis et les miens habitent les bords. Le destin a voulu nous réserver cet honneur de découvrir et de descendre les premiers ce magnifique cours d'eau. N'est-ce pas? Vous m'accompagnerez tous? D'expressifs hochements de tête et des noms énergiques, prouvèrent à Stanley que personne ne partageait son enthousiasme. « Comment? Vous m'abandonneriez? Vous que j'ai conduit à travers tant de périls et que j'ai toujours sauvé? Vous qui m'avez suivi autour des grands lacs, comme les enfants suivent leur père? Vous allez me laisser partir seul avec mon frère blanc? Et vous retournerez dire à Zanzibar que vous m'avez quitté en plein inconnu, sur une terre sauvage, m'abandonnant à une mort certaine? Non, non, cela ne sera pas. « Allons, mes braves, montrez-moi ceux qui ont un cœur de lion, montrez-moi ceux qui osent me suivre. » D'un bond, le nègre qui avait eu la conduite du Lady Alice sur le lac Nyanza tomba aux genoux de Stanley. « Maître, cria-t-il, je suis un de ceux-là, je vous suivrai jusqu'à la mort. » Son exemple fut suivi par 37 autres. 95 demeurèrent immobiles. « C'est bien, dit Stanley, j'en ai assez. Je lancerai mon bateau sur ce fleuve. » Et je ne le quitterai que quand mon œuvre sera complète, je le jure. » Les Arabes, y compris Tipotipe, restaient abasourdis devant pareille audace. Ils s'approchèrent de Stanley et s'efforcèrent de le faire renoncer à ce téméraire projet. Ils lui parlèrent de cataractes, de cannibales, de tribus guerrières, et lui prédirent que cette aventure se terminerait par une mort certaine, la sienne et celle de tous ceux qui l'entraînaient avec lui. Stanley les écouta, mais rien ne put modifier sa décision. Elle resta inébranlable, et cette attitude énergique produisit un tel effet sur le moral des nègres et sur les Arabes eux-mêmes que personne ne s'en alla. Et quand l'intrépide explorateur s'embarqua avec sa troupe, malgré l'hostilité des peuplades riveraines à qui il fallut livrer des combats acharnés, tout le monde le suivit. Il divisa alors la colonne en deux. Une partie des hommes prit la route du fleuve dans les canots escortant le Lady Alice, l'autre marchait le long de la rive. Toutes deux restaient en vue l'une de l'autre pour se prêter assistance, et le soir venu, on formait un camp général sur la terre ferme. Les riverains furent tellement épouvantés de l'arrivée de ces étrangers dans les eaux du Congo qu'ils commencèrent par déserter en masse leur village, où tout trahissait du reste une indescriptible panique. Les portes des huttes étaient ouvertes, on y trouvait des vivres en abondance, et certainement les lieux étaient occupés peu d'instants auparavant, car parfois on y voyait encore un vieillard, une vieille femme qui n'avait pas eu la force de fuir assez vite, et qui, croyant leur dernière heure venue, ne fournissait qu'en tremblant les quelques renseignements qu'on leur demandait. Ce qui résultait de plus clair de cette situation, c'est que les indigènes, cachés aux alentours dans la jungle, n'attendaient qu'un moment propice pour fondre sur l'expédition et exterminer les imprudents voyageurs. Mais ce ne fut là qu'un prélude. Bientôt les naturels s'enhardirent, attaquèrent Stanley sur le Congo même, et dès lors il n'y eut moyen d'avancer qu'en se battant à tout moment, et souvent il fallut livrer plusieurs combats dans une seule journée. Le 8 décembre, l'expédition était campée sur la rive droite du fleuve, quand le son des tambours et des trompes de guerre retentit bruyamment aux alentours. Et peu de temps après, 14 grands canots chargés de gens armés se rangèrent en ligne de bataille devant l'endroit où se trouvait Stanley. Les sauvages lui crièrent alors de venir combattre au milieu du fleuve. Mais sur les ordres de l'explorateur, les interprètes répondirent que l'on ne possédait qu'un seul bateau et 5 canots chargés de malades, qu'on n'était pas venu avec l'intention de guerroyer et qu'on ne se battrait point. Cette déclaration fut accueillie par des rires méprisants, et un instant après, les 14 pirogues se précipitèrent au bruit des hurlements de ceux qui les montaient. Stanley disposa ses gens sur la rive et attendit. Quand les barques ennemies ne furent plus qu'à une trentaine de mètres, la moitié des hommes qui s'y trouvaient commencèrent à lancer des flèches empoisonnées. Les autres continuèrent à pagayer vers la berge. Au moment où, croyant qu'on ne leur tiendrait pas tête, ils allaient aborder, Stanley commanda le feu à 30 fusils. L'effet fut superbe. L'ennemi recula à plus de 150 mètres, mais il continua la lutte. Alors, recommandant à ses hommes de ne pas discontinuer leur tir, Stanley s'embarqua sur le Lady Alice avec un équipage de choix, et accompagné de Tippo-Tip, il s'élança au milieu du fleuve. En voyant arriver le bateau, les sauvages poussèrent de féroces cris de joie. Mais leurs acclamations furent de courte durée, car à une distance de 25 brasses, Stanley commença sur eux une fusillade des plus meurtrières. Chaque coup porté, les canots sombraient lamentablement, et au bout de 5 minutes, le combat avait cessé. Cependant, Stanley n'était pas rassuré sur le sort de la division qui marchait à pied le long de la rive sous le commandement de Franz, et qui n'avait pas paru depuis 2 jours. Il remonta donc le fleuve avec le Lady Alice, et voyant une embouchure de rivière, il y entra et trouva la colonne en train de chercher un guet. Il apprit qu'elle s'était égarée, qu'elle avait dû combattre, qu'on lui avait tué un homme et blessé grièvement 4 autres. 2 jours après, c'était en plein campement que l'on était attaqué. Déjà, le terrain que l'on avait déblayé sur une 50aine de mètres autour du camp était envahi par les sauvages, qui, ayant vu débarquer les voyageurs, croyaient que c'était la peur qui les tenait éloignés du fleuve. Engagés d'aussi près, la lutte devint bientôt effrayante. Des centaines d'indigènes se ruaient ensemble sur la palissade, jetant des lances avec une force mortelle. Repoussés, ils revenaient à la charge avec une telle rage que les canons des fusils touchaient presque leur poitrine. Les cris, les hurlements, les acclamations, les éclats de trompes, les volées de mousqueterie, les défis des combattants, les gémissements des femmes, des enfants, des blessés, formaient un mélange de bruits affreux à jamais ineffaçables pour qui a assisté à ces scènes de carnage. Ce combat désespéré durait depuis 2 heures, quand le soleil se coucha. À plusieurs reprises, quelques-uns des Zanzibarites épouvantés furent sur le point de lâcher pied, d'abandonner la partie et de regagner les canots, mais Franck et le brave Ouledi les ramenaient à l'estacade, en les poussant de la crosse et du canon de leur fusil. À la chute du jour, l'ennemi s'éloigna. Mais l'alarme, sonnée par les trompes d'ivoire et grossie par les échos de la forêt, s'entendait toujours. Et de temps à autre, une flèche sifflait dans l'air et venait se planter en tremblant dans les arbres ou passer par-dessus les têtes des voyageurs. Vers 11 heures du soir, une forme obscure se détacha du fourré et s'avança en rampant. Stanley alla trouver Ouledi, qui était de garde, et lui dit de tâcher de s'emparer de l'inconnu dont la silhouette indécise se détachait sur le sol. Les mouvements de cette masse rappelaient ceux d'un crocodile qui va saisir sa proie. Tout à coup, Ouledi fit un bond et retomba sur le corps du sauvage. Mais un bruissement du fourré annonça que d'autres venaient à la rescousse. Le brave n'eut que le temps d'arracher aux captifs ses lances et de rentrer au camp. « Vuits ! Vuits !» Une grêle de flèches s'abattit alors sur la palissade, trouant les broussailles, perçant les feuilles, frappant les troncs et les branches. Pendant que, couché sur le sol, Stanley et ses hommes balayaient de leurs balles le pied de la jungle voisine. Le lendemain, on se rembarquait, et c'était à recommencer plus loin. Toujours le sinistre appel de guerre qui résonnait partout. On avait beau répéter « Sénéné !» paix, les naturels répondaient par des cris féroces. « Nous n'avons pas besoin de vous pour amis. Nous voulons vous manger. Ouhou, de la viande! Nous aurons beaucoup de viande. Ouhouhou !» Et ces cannibales, car ils le sont tous dans cette région, se ruaient à l'assaut avec une furie d'autant plus grande qu'ils ignoraient l'usage des armes à feu et n'en comprenaient pas la puissance. Il faut avoir vu un sauvage en quête de chair humaine pour s'en faire une idée réelle. Le balancement de sa lance en arrêt, le rictus de sa large bouche, ses grandes dents carrées, sa tête hideuse inclinée vers l'épaule dans l'attitude confiante d'un habile lanceur de javelot, son front bas, sa face trapue, sa chevelure épaisse et courte, tout trahit en lui les appétits féroces. Il n'y a pas jusqu'à la lance qui ne partage l'air cruel, inexorable de ce sauvage menaçant. Mais d'autres tracas, d'autres dangers assaillaient encore l'expédition. La petite vérole et la dysenterie faisaient de cruels ravages, parmi les gens de typotype notamment. Plus de 50 d'entre eux avaient la gale, une vingtaine des ulcères, un grand nombre souffraient de maladies de poitrine, pleurésie et pneumonie. Il y avait aussi des cas de fièvre typhoïde. Beaucoup se plaignaient de chutes et de douleurs hernières. Bref, il y aurait eu de l'occupation pour une douzaine de médecins, et chaque jour on jetait deux ou trois morts dans les eaux du Congo. Pendant la halte à Kisui, où il y eut combat, deux des favorites de typhotype et trois jeunes garçons moururent de la petite vérole. Certes, la maladie faisait plus de victimes que les flèches empoisonnées et les lances des sauvages. Aussi, dans l'après-midi du 22 décembre, typhotype et les autres chefs arabes vinrent exposer à Stanley leur intention irrévocable de retourner à Niangoué par une autre route. Il restait à effectuer 8 marches pour compléter celles qui étaient dues par le traité. Mais sentant que la dose de courage était épuisée, Stanley se décida à relever Typhotype de son engagement et à ne pas exiger ses dernières étapes. D'ailleurs, l'horrible situation des malades, le chiffre des morts, les attaques qui signalaient chacune des marches, enfin, la tournure du combat de la veille, où les voyageurs avaient failli avoir le dessous, avaient tellement démoralisé les Arabes et les gens de leur escorte qu'aucune somme d'argent n'aurait pu les décider à continuer le voyage. En considération des services qu'il lui avait rendus, Stanley remit à Typhotype une traite de 2 500 $, un âne de sel, une malle, une chaîne d'or, 30 brasses de belle étoffe, 150 livres de perles, 16 300 cores, un revolver, 200 cartouches et 50 livres de laiton. Il fit ensuite un cadeau à chacun des chefs arabes, et distribua des gratifications variant d'une à 5 aunes d'étoffe à tous les gens de l'escorte. Quant à ses propres hommes, il les réunit autour de lui, et exaltant leur courage, « Mes amis, leur dit-il, prenez votre résolution comme j'ai pris la mienne. Pensez que nous voilà aujourd'hui au centre même du continent, et que vous auriez beaucoup plus de dangers et de fatigues à retourner sur vos pas qu'à poursuivre avec moi la route sur les eaux. Continuons donc le voyage, et sans chercher d'autre voie, gagnons la mer immense par ce fleuve qui nous y mènera. » Un moment, Stanley avait craint que le découragement des Arabes et de leurs gens n'influençât ses propres hommes. Il n'en fut rien. Le lendemain du jour où l'on se sépara de Typhotype, l'explorateur fit l'appel de sa troupe et constata que les 149 individus de son expédition, hommes, femmes et enfants, lui étaient restés fidèles et qu'en dépit de tout, ils persévéraient à aller de l'avant avec lui. Un sentiment de joie et de confiance, tel qu'il n'en avait point ressenti depuis son départ de la côte, lui remplit alors le cœur et lui donna comme un pressentiment du triomphe final. Il embarqua tout son monde dans 22 canots qui, avec le Lady Alice, formaient la flottille de l'expédition et poursuivit bravement la descente du Congo. Hélas, chaque jour ramena de nouveaux ennemis et les mêmes dangers. À tout moment, les sauvages barraient le fleuve avec leurs grands canots armés en guerre, et il fallait livrer des combats continuels. C'était toujours aussi la même fin de chair humaine qui exaltait ces indigènes. « Nous mangerons aujourd'hui de la viande des gens du soleil » disait-il. « Oh, de la viande !» En vain, Stanley essayait-il de parlementer avec eux, de leur faire comprendre qu'il les visitait en amis, qu'il les comblerait de cadeaux. Rien n'y faisait. Chez les Amouniam, il présenta du bord du navire des bracelets de cuivre et des chapelets de cori aux sauvages, en leur criant « La paix, la paix !» Ils s'en moquèrent, et l'un d'eux, porteur d'un énorme bouclier peint en noir avec de la suie, et se servant de sa lance comme d'un index, répondit « Croyez-vous que nous allons renoncer à une telle quantité de viande pour des coquilles et un peu de cuivre ?» Force était de se battre, et l'on se battait chaque jour, et l'on avançait qu'en déblayant la voie à coups de fusil, en semant des cadavres le long du fleuve. Mais ce n'était pas tout. La nature elle-même allait s'unir aux sauvages pour mettre à l'épreuve le courage et l'intrépidité de l'explorateur. On était au 4 janvier 1877. Stanley venait de découvrir une grande et large rivière, tributaire du Congo, qu'il baptisa rivière Léopold, en l'honneur du roi des Belges. Quand en dessous de l'embouchure de ce tributaire, il remarqua que le Congo se contractait d'une manière sensible, et qu'il tournait brusquement à l'est, par suite de la rencontre d'une haute colline qui mesurait plus de 300 pieds. En même temps, sur la rive droite, près du sommet de cette courbe, il vit des roches de granit blanc de 6 pieds de hauteur, et juste en aval de ces rocs, il entendit un bruit sourd, mais énorme, comme une bataille de chaudrons. C'étaient les premières cataractes. Mais plus puissant que le bruit des chutes, s'élevaient sur les deux rives les cris sauvages des indigènes. Que faire? Virer de bord et s'attaquer résolument à ces cannibales? Ou bien affronter la cataracte et ses horreurs? En attendant, chaque minute était un pas de plus vers la tombe. Si l'on évite les couteaux déjà prêts pour l'égorgement, on sera brisé et noyé là-bas. Que faire? Fin de la section 85.